Bonjour ou bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous lire un texte trouvé sur un blog monté exprès pour l'occasion, qui s'appelle Carnet de lutte. Donc, il se trouve à l'adresse carnetdelutte.tumblr.com. Comme d'habitude, je mettrai le lien dans la description de cet enregistrement pour que vous le trouviez plus facilement, parce qu'il regorge de multiples liens très intéressants. Et le texte s'appelle « Faire quelque chose ». De nombreuses personnes me contactent en disant « J'aimerais bien faire quelque chose au-delà des élections, mais je n'ai aucune expérience, je n'y connais pas grand-chose, je ne sais pas par où commencer, qui contacter et quoi faire. » C'était parfois le cas ces derniers mois, mais les mêmes phrases reviennent en nombre ces derniers jours suite aux semaines chaotiques de l'élection présidentielle, à l'entre-deux-tours particulièrement difficile à vivre et aux résultats définitifs qui laissent un goût amer. Ce texte s'adresse donc aux personnes qui souhaitent faire quelque chose. Considérant le spectre de questions très larges que j'ai reçues, allant de personnes qui n'ont jamais participé à une manif se demandant comment ça se passe, n'ont que peu de connaissances politiques, syndicales, associatives, ce texte partira donc du principe que vous êtes novice en tout. Ce qui permettra aux personnes qui ne le sont pas de sauter allègrement de longs paragraphes et aux autres d'avoir des renseignements sur ce qui les intéresse. Précision à mes camarades de lutte, ce texte ne prétend néanmoins pas être exhaustif et encore moins être parfait. Libre à vous de le citer et d'y ajouter toute information que vous jugerez utile. Beaucoup de réponses sont en vous. Oui, cette phrase sonne comme un guide de développement personnel, tant pis. Il n'y a pas une réponse applicable à tout le monde. Ou tout du moins, ce n'est pas moi qui vous donnerai une réponse de type « va là-bas, viens ici ». Beaucoup de réponses peuvent aussi être autour de vous. Vos amis peuvent avoir des renseignements, mais vous n'en avez jamais parlé ensemble auparavant. Les murs de certaines villes affichent des informations, des appels, des journaux, radios, médias indépendants et alternatifs existent dans de nombreuses communes. Jetez un coup d'œil. Avant toute chose, il me paraît important de rappeler que les luttes sociales se font ensemble, dans la rue. Ce qui peut être au sens propre, manifestation, ou au sens figuré, aller aider les gens, militer via des organisations donc hors de chez soi, mais pas nécessairement dans la rue. Première question à se poser, pouvez ou voulez-vous aller en manif? Considérant les violences et la répression exercées par les autorités lors des manifestations sur l'année écoulée notamment, il n'est pas illégitime d'avoir peur d'aller manifester. Par ailleurs, les contingences peuvent nous empêcher de vous empêcher de vous rendre en manif. Situation de handicap, enfant en bas âge, isolement géographique, précarité. La présence aux manifs n'est pas un impératif ni une médaille de combattant, combattante. Si vous pouvez ou voulez aller en manif, les informations sur les lieux de rassemblement des manifestations par ville sont facilement trouvables sur Internet et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mastodon, Sinsis. Un hashtag est employé pour la manifestation du jour, par exemple, hashtag manif 8 mai, qui permet à tout le monde d'avoir des informations en temps réel et sur chaque plateforme. Le site Média Libre, https://medialibre.org, globalise les informations des principaux sites d'information de grandes villes et de grands courants, tels que Paris Lutte, Rébellion, Indymedia Nantes. À noter qu'Indymedia est présent dans plusieurs grandes villes, Grenoble, Lille, et vise à offrir un média indépendant. Mars Info. Sur le côté droit du site de Média Libre, une liste de nombreux sites d'information. Le site Démosphère propose un agenda alternatif en ligne. Carte des villes disponibles sur demosphere.eu. Les manifestations sont découpées en plusieurs cortèges. Les organisateurs, structures ayant déposé la demande de manifester en préfecture sont généralement en tête de manif. Lors des manifs sociales, les syndicats co-organisent l'événement et défilent donc en groupe. Comme dans un gros hamburger, l'on trouve plusieurs tranches. Une grande banderole, CGT par exemple, suivie de ses militants et militantes arborant pour certains et certaines des autocollants et des drapeaux. Puis une autre banderole, FO disons, et ses militants, militantes, etc. Suivent des organisations politiques, des associations, des collectifs, chacun derrière leur banderole et ou avec leur drapeau et ou autocollants. Suivent et ou s'intercalent des manifestants et manifestantes qui ne sont pas syndiqués et n'appartiennent à aucun parti ou collectif, ou bien qui le sont mais qui sont arrivés à la bourre, discutent avec leurs potes Francis ou Varda, ou n'en ont rien à foutre de suivre la banderole d'un tel ou un tel. À noter pour les oreilles sensibles que les grands syndicats ont généralement des camionnettes avec des enceintes qui balancent de la musique de manif, si appelée dans le milieu là, sono du rond-point, avec notamment HK et les saltimbanques et son fameux « on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien ». Conseil, évitez toute proximité avec les camionnettes, seuls les syndiqués, avec une force mentale impressionnante, peuvent y résister. Bravo à eux. Petite note, en tête de la manif, dans les villes très importantes, Paris, Lyon, ou les villes très révolutionnaires, Rennes, Nantes, peuvent se placer d'autres manifestants et manifestantes généralement vêtus de noir, sans drapeau, autocollants ni camionnettes, qui se tiennent serrés et portent le nom de Black Bloc. Les relations entre ce cortège de tête et les syndicats, entre le cortège de tête et le SO, le service d'ordre des 10 syndicats, entre le cortège de tête et l'opinion publique, entre le cortège de tête et les flics, et l'intégralité de ces interactions précédemment citées, feront l'objet d'un prochain article à paraître en 8 tomes. Si vous n'êtes jamais allé en manif, ou si vous ne connaissez personne dans cette manif, et que vous êtes soucieux, soucieuse, n'hésitez pas à vous joindre à un cortège, l'une des tranches de hamburger, de votre choix. Tous vous accepteront sans broncher, même si vous n'êtes pas syndiqué, pas adhérent d'une organisation ou association, pas membre d'un collectif. Évitez en revanche de chanter des trucs en radicale opposition avec ce que chantent les autres autour de vous. Exemple, en milieu d'anarchistes, on ne crie jamais « Vive Staline !» De façon générale, ne criez jamais « Vive Staline !» Conseil, évitez le cortège de tête pour votre première manif. Cela peut paraître impétueux, mais la phrase suivante est tout à fait appropriée. « Bonjour, je peux me joindre à vous, je suis tout seul, toute seule. » Elle est non seulement appropriée et même conseillée par les temps qui courent, où il vaut mieux en manif avoir quelqu'un, quelqu'une qui vérifie que l'on soit entier en repartant. Je recommande aux femmes, dans ce contexte, de s'adresser à des femmes. L'équipement pour aller en manif est une question qui revient souvent. Un foulard porté au départ autour du cou, même en été, permettra pour celles qui prennent aucun autre équipement d'amoindrir légèrement l'effet des lacrymogènes. Sinon, du sérum Phi, qui s'achète en pharmacie, ou bien du Malox, pharmacie également, dilué avec de l'eau dans une bouteille, sont plus efficaces pour soulager les brûlures de lacrymodes aux yeux. Ne pas se frotter les yeux, la bouche, considérez que vos mains sont inutilisables car remplies de gaz. Tenir la tête en arrière et pencher sur le côté, vider le sérum Malox dans l'œil, de l'intérieur vers l'extérieur pour le rincer. Jamais de maquillage. Gaz lacrymo ou poivre passe en dessous, des heures de souffrance en plus. Évitez les bijoux, bas qui s'accrochent, les doigts viennent avec, collier résistant ça étrangle, bracelet dur, gros hématome, bracelet en plastique, ça fond sous la peau. Évitez les shorts, les jupes ou les pantalons en toile fine qui risquent de se déchirer facilement et de laisser votre peau exposée au bitume en cas de chute. Privilégiez un bon vieux jean et ne venez pas en tongs. Des baskets, des bottes, n'importe quoi, mais pas de sandales ou de chaussures ouvertes. En cas de blessure, dans les grandes villes, criez plusieurs fois « Médic !» Manifestants et manifestantes qui prennent en charge des blessés. Ou à défaut, criez tout court et quelqu'un d'autre se chargera bien de trouver un médic pour vous. Quelque chose à manger, fruits, biscuits, et à boire, de l'eau. Ne buvez pas le Malox en confondant les bouteilles, au cas où ça ne vous fera rien, mais ça surprend sur le coup. Le tout dans un sac à dos. Selon les villes, les flics fouillent et réquisitionnent tout équipement supplémentaire. Ils commencent parfois avec le sérum Phi, mais si possible, dans le sac à dos. Masque, sans parler d'un masque à gaz, un masque anti-poussière jetable se trouve dans tous les magasins de bricolage et coûte 2 euros. Il se planque facilement avant utilisation. Lunettes de plongée, si vous le pouvez, très dur à planquer en revanche, ou de piscine, dans le sac à dos, des mouchoirs, mais aussi tout le reste de votre barda habituel. Tout le reste de votre barda habituel reste à la maison. En manif, on reste solidaire de ses camarades, y compris si on ne les connaît pas. On ne reste pas tout seul, toute seule, et on ne laisse personne tout seul, toute seule. Si vous êtes en danger, criez, appelez à l'aide, hurlez, faites un foin de tous les diables, quelqu'un viendra. Si vous êtes témoin de violences policières et que vous ne pouvez rien faire, si vous en avez la possibilité et le temps, tweetez avec le hashtag de la manif du jour, par exemple manif 8 mai, hashtag front social, en donnant votre position, rue, indication, devant tel café. Dites ce qui se passe, les flics tapent deux gars devant moi, venez vite. Filmez, sauvez vos vidéos et vos miches. Avant de mettre la vidéo en ligne, assurez-vous qu'elle n'expose pas les camarades qui n'ont rien demandé. L'application Obscuracam, trouvée chez le Guardian Project, permet de flouter vos photos et vidéos et d'effacer les données EXIF qui donnent en temps normal la géolocalisation horaire de la photo et la marque du modèle de votre portable. Ne tentez pas d'action héroïque de type se jeter tout seul, toute seule sur 20 flics, ça finit au poste dans le meilleur des cas. Une autre question revient, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller en manif? Oui, ça sert à quelque chose d'aller en manif, c'est dans la rue et par la rue que le pouvoir a toujours plié. Ça ne veut pas dire que c'est simple, c'est même usant. Et l'acharnement qu'ils mettent à nous matraquer pour nous décourager d'y aller montre bien qu'ils savent que c'est par là qu'on gagne. Entre autres, j'y reviens. Et qu'ils nous préféreraient derrière les écrans à rager sur des statuts Facebook indignés, inoffensifs. Oui, on a des luttes en travers de la gorge, à commencer par celle contre la loi travail de l'année dernière. Mais non, elle n'a pas servi à rien. Elle a au moins servi à veiller certaines consciences et à faire bouger les lignes. Grossissez les rangs pour les faire éclater, ces lignes. La présence aux manifs n'est pas un impératif, mais il est impératif de permettre à un maximum de personnes de venir manifester. Pour cela, seule notre solidarité, notre respect des formes de lutte de chacun chacune, notre capacité aussi à animer une manifestation plutôt que de marcher tristement, telle une procession funèbre, notre volonté à croire en nos aspirations et révoltes sont essentielles. C'est ensemble, par nos luttes, que nous gagnerons. Point féministe. De temps à autre apparaissent de gros bourrins qui soit distribuent des injonctions à avoir du courage, soit se mettent devant les femmes qui n'avaient rien demandé du tout, comme s'ils étaient des gardes du corps ambulants. Inutile de tenter de les faire évoluer en pleine manif entre un chant révolutionnaire et une grenade lacrymogène, il faudra malheureusement éradiquer le patriarcat, ce qui fera l'objet d'un autre article de 154 tomes. Il n'est pas impossible, cela dit, de déconstruire certains propos persistants. Lorsque la manif est calme, notamment sur le plan des insultes sexistes ou homophobes. Entendre fuser un « fils de pute », une phrase de type « tu peux l'insulter lui au lieu de l'insulter sa mère » peut cheminer dans l'esprit voisin. Si ce n'est sur le moment, ça viendra plus tard. Question suivante, rejoindre une organisation. Souhaitez-vous rejoindre une organisation et agir en son sein? Et si oui, laquelle? Il y en a plusieurs. L'organisation politique, ce qui implique avant toute chose de savoir si vous avez déjà des convictions politiques forgées, plus ou moins, si vous vous sentez proche de tel ou tel courant d'idéologie. Un point tout de même sur le thème d'organisation politique. Tout groupement, mouvement, fédération, qui réfléchit à l'organisation de la société est une organisation politique au sens large, noble du terme. Il n'y a pas que des partis politiques. Ainsi, un groupement anarchiste est une organisation politique. Si vous avez déjà une idée, contactez l'antenne locale de l'organisation politique en question pour, dans un premier temps, participer à une réunion d'information, ce que quasiment tous les groupements proposent. On vous donnera une date, un lieu, vous pourrez écouter, voir ce qui se raconte, quelle ambiance, quelles idées, quels projets, quel apport aussi vous pourriez amener là-dedans, dans cet édifice-là. Vous pouvez même généralement participer à plusieurs réunions. Ensuite, si cela vous plaît, vous pourrez adhérer. Une adhésion signifie que vous versez de l'argent à l'organisation, soit annuellement, soit mensuellement, trimestriellement, etc., pour faire officiellement partie de l'orga, la soutenir, participer activement à des actions en son sein, contribuer à la réflexion politique de la dite organisation, la faire vivre, etc. L'association. Les associations qui militent quotidiennement pour faire évoluer les choses sont légion en France et elles manquent cruellement de bénévoles et d'argent. Questions les plus souvent posées, comment choisir l'association? Je reviens au début, c'est à vous de savoir pourquoi, contre quoi vous souhaitez lutter. Aider les migrants et migrantes, l'écologie, l'antiracisme, le féminisme, les enfants, les SDF, lutter contre l'illettrisme, les violences policières, la pauvreté rurale. Avec ce qui vous tient à cœur, vous pouvez consulter le site internet de votre commune ou vous rendre en mairie pour connaître la liste de toutes les associations. Vous pouvez également faire une recherche internet ciblée, par exemple, aider aux migrants à Carcassonne. Vous pouvez enfin demander des renseignements aux organisations politiques citées ci-dessus, qui, sans pour autant que vous en soyez membre, vous renseigneront sur les associations actives localement. Ce qui nous amène directement à la question suivante, comment savoir quelles associations font vraiment des trucs et lesquelles non? Quelles associations sont bonnes et lesquelles ne le sont pas? Vaste programme. Et merci de considérer que pour tout le paragraphe à venir, je mets des guillemets à « bonnes » et « mauvaises ». Les associations sont toutes tenues par des êtres humains qui sont, comme vous et moi, faillibles. Certains sont d'extraordinaires militants et militantes, et leur association soulève toutes les montagnes des environs. D'autres l'ont été et ne le sont plus, voire ne l'ont jamais été. Et leurs associations n'est qu'une belle façade où il ne se passe rien. Par ailleurs, certaines associations ont des contraintes ou choisissent des objectifs de partenariat qui ne sont pas nécessairement annoncés sur la devanture. C'est notamment le cas pour les associations d'aide aux migrants et migrantes où beaucoup concluent des partenariats avec l'État, sont subventionnés et sont mains liées pour en critiquer l'action ensuite, voire collaborent franchement aux exactions commises. En cela, les antennes des organisations citées plus haut ou les collectifs qui seront cités plus bas sont une source de renseignements précieuse, car souvent sur le terrain et souvent en lien avec des actrices du tissu associatif. Ils pourront vous indiquer plus valablement quelle structure est plus ou moins bien indiquée selon votre volonté d'agir dans telle ou telle direction. Pour illustrer, quand quelqu'un vous demande où acheter du pain, en théorie vous savez lui répondre quelle est la meilleure boulangerie de votre quartier et pourquoi. Mais si on vous pose la même question à propos de la meilleure boulangerie d'Estipuy dans le Gers, j'espère que je n'ai pas écorché le mot, non, ça a l'air d'être ça, Estipuy dans le Gers, il y a peu de chances que vous sachiez répondre. Mes amitiés aux habitants et habitantes d'Estipuy. Idem quant à la façon d'approcher une association. La contacter, mail ou téléphone, ou encore mieux en se rendant sur place si vous le pouvez. Il y a de fortes chances pour qu'on ne réponde pas à votre mail ou message du premier coup. La raison est simple. Les bénévoles de l'association sont totalement débordés. Et se sont dit, je le ferai après, et ont oublié, raison pour laquelle il valait mieux y aller. Insister. Plutôt que demander 1000 renseignements par mail, demandez s'il est juste possible de passer un jour, proposer directement vos disponibilités. Vous pourrez ainsi voir comment la structure fonctionne et faire connaissance avec les bénévoles et voir si cela vous intéresse de vous y investir. Au pire, vous aurez perdu quelques heures et vous essaierez dans une autre. Au mieux, ce sera le coup de foudre immédiat. Mais par pitié, n'abandonnez pas parce que vous n'avez pas eu de réponse immédiate, car votre aide est non seulement bienvenue, mais elle est nécessaire. Tout comme dans une organisation, si cela vous plaît, vous deviendrez adhérent ou adhérente de l'asso et devrez donc verser une cotisation annuelle pour participer au soutien de celle-ci. Le collectif. À la différence d'une organisation politique, parti, fédération, groupement, ou d'une association, un collectif n'a a priori aucune structure ou statut juridique. Il n'est pas déclaré, le truand. Cela ne l'empêche pas d'avoir une structure organisationnelle. Ce n'est pas parce qu'aucun statut n'a été déposé en préfecture qu'un collectif est un champ labouré sur le plan de son fonctionnement. Ses membres peuvent parfaitement avoir décidé d'un nom, de règles de fonctionnement, d'acceptation de nouveaux membres, d'exclusion, de réunion, d'action, etc. Le collectif, comme son nom l'indique, a pour vocation de fonctionner collectivement à un objectif commun. Le collectif peut remplir les mêmes fonctions que les deux précédents, être politique et ou apporter de l'aide à des populations localement. Quelle différence, hormis cette non-déclaration dans ce cas ? Ben, ma foi, généralement, c'est gratuit. Pas de cotisation, pas d'adhésion, et vous savez ce qu'on dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est gratuit, donc il faut passer deux fois plus de temps, puisqu'il n'y a aucun argent récolté par adhésion, aucune subvention possible, rien. Il n'y a que votre énergie et votre sueur. Bienvenue ! Pour les orgas, les assos, les collectifs, une question revient. J'ai peur de ne pas servir à grand-chose. Je ne sais pas à quoi je pourrais servir. Ma réponse est sans appel. Tout le monde est super utile. Merci d'être là. Il y a toujours quelque chose à faire, quelles que soient vos disponibilités, vos possibilités. Chacun, chacune, selon ses moyens. Je fais une toute petite pause parce que ce qui suit, j'aimerais le lire plutôt à la fin. Et j'ai eu l'autorisation de l'auteur pour le faire, donc je vais essayer de pas trop perdre de... Ah, voilà. Se syndiquer, donc les syndicats. Beaucoup de questions sur les syndicats. Un syndicat est une organisation de défense de l'intérêt des personnes d'une même branche professionnelle et pas nécessairement salariée, car il y a des syndicats de fonctionnaires, d'intermittents, de précaires. Être syndiqué est important. Cela signifie que votre syndicat vous soutient face à votre employeur hiérarchie en cas de litige, vous informe sur vos droits, vous assiste, vous aide à remplir vos dossiers administratifs, le cas échéant, CAF, impôts, etc. Il peut aussi vous assister juridiquement au prud'homme. Par ailleurs, le syndicat propose des formations, apporte une quantité phénoménale d'informations sur le droit des travailleurs et travailleuses, s'oppose au patronat et souvent informe en interne et en externe sur ce que peut bien trafiquer ce dernier. Afin de pouvoir faire grève dans le secteur public, seuls les syndicats doivent et peuvent déposer un préavis de grève pour les travailleurs et travailleuses. L'apport des syndicats n'est pas négligeable non plus pendant les mouvements sociaux de forte importance et qui durent, car ils disposent d'une caisse de grève qui leur permet de verser à leurs adhérents et adhérentes une petite compensation pour les journées de salaire perdues. Le travail des syndicats se fait au quotidien, dans des entreprises et l'administration, et ce n'est pas forcément visible du grand public qui a tendance à n'en entendre parler qu'au travers des manifestations plutôt que via le phénoménal boulot journalier d'assistance qu'ils apportent aux travailleurs et travailleuses. Enfin, la grande force des syndicats est leur capacité de rassemblement. Si chaque syndicat a sa branche spécifique professionnelle, les grèves se lancent, tous secteurs confondus, pour une plus grande efficacité, ce qui permet à une concertation magistralement plus efficace qu'un super événement Facebook. C'est une concertation de toutes et tous les travailleurs du pays qui, en stoppant leur activité pour une grève générale, bloquent l'économie de celui-ci. Quel rêve délicieux, n'est-il pas ? Question souvent posée, quel syndicat choisir ? Impossible de répondre. Il y a des syndicats plus, comment dire, révolutionnaires que d'autres, solidaires, qui rassemblent tous les Suds, Sudrail, Sud-Égluc, Sud Santé, la CNT, syndicat autogestionnaire, des syndicats plus gauchistes, CGT, FO, et d'autres qui appellent à voter Macron comme la CFDT. Pour autant, cela ne veut rien dire, car dans votre entreprise, peut-être que la CGT sera majoritaire et qu'il n'y aura aucun syndiqué solidaire et que 5% de CGT. Donc vous aurez tout intérêt à être syndiqué à la CFDT si vous voulez que vos droits soient promptement défendus. Et vous pouvez également créer une autre section syndicale et déboucher les autres, plus recruter des gens et passer en tête. Bravo, c'est un super challenge. Et là, vraiment, vous qui vouliez faire quelque chose, vous ne serez pas déçu de l'occupation. Comme les assos et tout le reste, les sections syndicales sont aussi animées par des gens qui ici sont super et là de vrais abrutis. Donc machin de tel syndicat, pourtant super, va être nul ici et machine de tel syndicat, nul, va être super là-bas et inversement. Tout dépend, voilà, vous êtes bien avancé maintenant. Mais si ça vous semble important, syndiquez-vous. Est-ce que c'est payant? Oui. Certains syndicats demandent 1% du salaire net par mois, d'autres l'équivalent d'une heure de salaire par mois. Les sommes ne sont donc pas conséquentes et toujours en fonction des revenus. Pourquoi on déteste les syndicats? Certainement parce qu'on connaît mal leurs actions au quotidien, je l'ai dit. Ensuite, parce que souvent les grands syndicats négocient avec le gouvernement alors que leur base, les grévistes, souhaitent continuer le mouvement. La différence est à faire entre la direction syndicale et le taf de terrain colossal. Enfin, parce que l'on perd pied. Pardon, parce que l'on perd une lutte sociale, les retraites en 2010, la loi travail, l'opinion publique tend à cristalliser sa colère sur les syndicats dont on considère qu'ils ont mal mené la lutte et ont échoué. Si des critiques sont à leur faire, il me semble essentiel de garder le patronat et l'autorité en ligne de mire. Autre lieu, les assemblées générales. Ce mot revient souvent. Qu'est-ce qu'une assemblée générale? Une AG. Pourquoi faire? Où est-ce que j'en trouve une? C'est un rassemblement de personnes mobilisées, quel que soit leur statut et leurs appartenances aux catégories précédemment citées. Lors d'une grève reconductible, il est commun de faire une AG de grévistes chaque jour pour décider de la reconduite ou non déjà, pour parler des autres luttes, de l'actualité, des réactions du gouvernement, etc. Les collectifs organisent des AG à leur rythme et accélèrent le rythme avec les moments de lutte sociale, idem pour les organisations. En période de lutte sociale, les AG sont souvent organisées à la fin des manifs, pas dans les grandes villes, trop de monde, plus manifs qui sont désormais dispersés par la violence policière. Bref, c'est l'occasion d'organiser les prochains rendez-vous, de donner des dates importantes, d'échanger des contacts, de poser des questions, de décider des actions à venir. C'est aussi la possibilité de donner son mail, son numéro de téléphone pour pouvoir être informé des actions et mobilisations locales directement. Enfin, les AG permettent de mettre en place des dispositifs efficaces, de convenir de covoiturage pour aller au piquet de grève, à une manif, à un rassemblement, de voir qui est disponible tel jour pour telle tâche, de constituer des équipes réduites pour gérer ceci ou cela. Cette division des tâches est cruciale et le travail collectif est essentiel. Il ne permet pas seulement une cohésion entre les personnes en lutte, il permet aussi de réduire les coûts, coûts en énergie, en manque de sommeil, en argent, en pollution. À ce titre, le covoiturage est élu concept du siècle car économisant sur tous les plans. Accessoirement, je pourrais écrire un livre avec les fous rires pris en covoiturant des camarades. Les réseaux sociaux, les sites d'information, les organisations et collectifs renseignent sur les AG qui se tiennent et qui sont souvent ouvertes à tous et toutes. Venir à une AG peut même être un bon moyen de découvrir une émulation politique. Écouter, participer ou non, tout est libre. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas, ne connaissez pas quelque chose. Personne ne se moquera de vous et il y a toujours quelqu'un pour expliquer. C'est quoi une ZAD, zone à défendre? Où en est-elle grève? Est-ce que cette action est dangereuse? Ou se renseigner sur tel ou tel sujet? Précaution. Vous pouvez tomber dans les grandes AG un soir où une personne ou un sujet monopolise l'attention. Personne, sujet peu intéressant, voire totalement insupportable. N'abandonnez pas pour si peu. C'est comme l'épisode 1 d'une série, peut-être que le 2 sera meilleur. Bon, au bout de 15 épisodes, si c'est toujours tout pourri, cramer la télé et je ne sais pas trop où je vais avec cette métaphore, donc je la laisse filer. Les actions. Des collectifs, coordonnés parfois, organise des actions. Pour résumer, on sait que l'action commise sera illégale, mais on considère qu'elle est nécessaire de par sa portée symbolique ou concrète pour faire avancer les choses, les mentalités. Généralement, un lieu de rendez-vous est donné aux personnes qui souhaitent participer à ces actions et, sur place, vous êtes informé de ce que vous allez faire. Les niveaux de risque ne sont pas toujours les mêmes. Aucun risque, ou contrôle d'identité, ou une garde à vue, une amende, ou une peine d'emprisonnement, ou un matraquage de l'un ou l'une, ou l'autre des peines. Et les rôles sont répartis selon les volontés de chacun, chacune. Vous pouvez parfaitement distribuer des tracts, gérer à la communication de l'action, et donc ne rien risquer, ou prendre une part de risque plus grande, ou lors d'un débriefing, décider de rentrer chez vous, ce dont personne ne vous tiendra rigueur. Un point enfin sur la solitude et la culpabilité. Vos potes partagent grosso modo vos idées, mais n'ont pas encore la flamme de la révolte dans leur cœur bouillonnant. Vous vous sentez déjà bien seul avec votre révolte et craignez de vous sentir encore plus seul si vous vous impliquez avec tous ces gens inconnus. Au contraire. Dites-vous que tous ces gens inconnus sont aussi arrivés un jour en ne connaissant personne, car ce n'est pas une dynastie familiale. Et l'entente que vous voyez là, vous allez pouvoir la partager aussi dans quelque temps, tandis que vos autres potes seront toujours sur leur canapé tout seuls, bien fait pour eux. Spoiler, il y aura aussi quelques engueulades, car personne n'est dans au pays de Candy, mais quand même, on rigole bien. Vous suivez sur les réseaux sociaux ou connaissez dans la vie des personnes militantes très engagées et vous culpabilisez de votre inaction malgré vos idées et votre conviction qu'il faudrait faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous empêcher de comparer et de vous dire que vous ne sauriez pas faire, etc. Comparaison n'est pas raison, disait ma grande-tante. Tous et toutes les militants et militants ont commencé un jour sans la moindre expérience. N'hésitez pas à les contacter, à leur poser des questions. Vous pensez les déranger? Ils seront ravis de vous renseigner, dans la mesure de leurs moyens et dans la limite des stocks disponibles. Qu'est-ce qui pourrait leur faire davantage plaisir que de voir d'autres personnes s'engager? Rien, hormis pour ma part de caresser un marcassin, mais ça c'est un autre délire. Il n'y a pas grand-chose de plus stimulant que de partager des convictions qu'on met en action ensemble ensuite plutôt que de les garder en soi et de les laisser nous faire vieillir prématurément de rage à force de se sentir impuissant et impuissante derrière un écran, un journal, une radio. Et c'est à ce moment-là que je remonte dans le texte pour vous lire ce passage sur chacun et chacune selon ses moyens. Quelques exemples en vrac selon les contextes et loin d'être exhaustif pour que ce soit plus parlant peut-être. Tout ce qui est possible de faire, tout ce qui est super utile, tout ce que vous pouvez faire sans le savoir ou peut-être même que vous le savez. Organiser des réunions, les animer, les modérer, faire des comptes rendus, prendre des notes, les écrire, les mettre en ligne, les envoyer. Faire des banderoles, trouver des supports, chercher des cartons, des draps, du tissu, découper des pochoirs, acheter de la peinture, gérer la communication, les listes de mails, répondre aux questions. Où c'est la prochaine manif? C'est à quelle heure? Où est le local? Comment se rendre sur place? Il y a un covoiturage? Mettre un article en ligne, faire une newsletter, écrire un article de blog, corriger les fautes d'autres rédactrices, écrire des tracts, des affiches. Concevoir le texte à plusieurs, l'imprimer, massicoter les tracts, les distribuer, coller les affiches, développer une commission inexistante ou peu existante sur un point de vue qui vous est cher, écologie, féminisme, santé, personnes incarcérées, organiser des conférences, débats, trouver une salle, gérer les inscriptions, la bouffe, les intervenants, trouver quelque argent pour financer tout ça, lancer un rassemblement pour répondre à une problématique urgente, mobiliser. Lancer des appels sur les réseaux sociaux, alerter les contacts, solliciter les camarades de lutte, les partenaires associatifs, remplir la paperasse administrative. Oui, ça aussi. Faire les comptes, le budget, les demandes de subventions, les déclarations de manif, tenir une permanence, organiser un groupe de parole, gérer le collectif, faire à manger. Ça, j'insiste là-dessus, la bouffe est super importante. Prévoir les couchages, le service d'ordre, l'organiser, l'équiper, le former, les actions, les organiser, les mener, prendre des photos, les retoucher, les tirer, les mettre en forme, coudre des fringues et en raccommoder. Et encore plein, plein, plein de choses. Je crois qu'il y a une chose qui n'est pas évoquée, entre autres, c'est la puissance des envois de textos dans vos réseaux sur votre téléphone, parce qu'il peut servir et que les textos, ça marche hyper bien. Je continue. C'est aussi apporter son expertise professionnelle ou son savoir-faire. Expérience médicale en manif, médic, auprès des réfugiés, dans la rue ou en CAO, les centres d'accueil et d'orientation. Juridique partout, tout le temps. On a besoin de conseils juridiques. Éducative auprès des enfants réfugiés encore et selon la manière. Pardon, selon la matière, pour apporter une éducation populaire au groupe. Graphique, pour donner plus de force au texte. Manuel, la liste est infinie. Menuiserie, ferronnerie, soudage, peinture, jardinage, que de talents précieux. Informatique, idem, c'est indispensable et un gain de temps incroyable, sans parler de la sécurité que le groupe y gagne. Compétences sportives aussi. Une vraie France start-up. Rire compulsif et navré. Bref, vous voulez faire quelque chose? Faites-le. Vous êtes bienvenue. On vous attend. On a besoin de vous. Bienvenue dans la famille et vous serez fantastique. Voilà, c'est donc un texte que l'on trouve sur un Tumblr qui s'appelle Carnet de lutte. Donc c'est carnet de lutte au singulier tout petit tout attaché point Tumblr, TUMBLR.com. Et je l'ai croisé sur les réseaux sociaux, sur le petit oiseau de Twitter, chez Norden Gale, j'espère ne pas écorcher son nom, donc @NordenGale. Et il y aura les coordonnées dans la description du texte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un long texte. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là et je vous dis à très vite. Au revoir.